بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على لونج تاع الله سبحانه وتعالى. C'est notre deuxième assise dans ce rappel qui concerne l'iman, qui concerne le fait d'augmenter sa foi. C'est quoi les causes qui augmentent la foi et c'est quoi les causes qui font la diminuer? Nous avons vu la première cause qui est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant avec la deuxième cause, parmi les sujets de la science qui font augmenter la foi du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Qur'an avec méditation et compréhension. Le Qur'an est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le soumis donne l'importance au Coran, à sa mémorisation, à sa compréhension, à sa mise en application, il n'y a aucun doute que cela augmente sa foi. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Le verset nous dit cela. Dans la traduction approximative du sens du verset, ne médite-t-il pas le Coran, ou alors dans ces cas-là, s'il ne médite pas, leurs cœurs sont cadenassés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des cœurs cadenassés. Wa qala azza wa jal, قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. Donc, et dans le deuxième verset, dans la traduction approximative du sens de ce verset, mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez orgueilleusement et vous les dénigrez lors de vous veiller. Ne médite-t-il pas la parole, c'est-à-dire le Coran? Cela veut dire, s'il méditait le Coran, s'il le comprenait, le méditait, cette parole qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, la parole d'Allah les aurait guidés vers le bien. Il les aurait orientés vers la vérité et vers le vrai succès. Le Coran, comme on dit les savants, ne doit pas se lire à la va-vite. Il ne doit pas ton souci quand tu te penses sur le Coran, quand est-ce que je vais terminer la sourate? Quand est-ce que je vais terminer le chapitre? Quand est-ce que je vais terminer la lecture du Coran en entier? C'est pas ça. Ton souci ne doit pas être là. Il ne doit pas être lié à la va-vite, il doit se lire d'une lecture de méditation. Et avec le désir de vouloir connaître ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il s'adresse à tout un chacun de nous. Chacun de nous, quand il se penche sur le Coran, doit le lire pour, voulant comprendre ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. En se penchant sur le Coran, donc, notre souci ne doit pas être, j'arrive, je me dépêche pour arriver à la fin. Abadan. Mais quand est-ce que je vais mettre en application ce qu'il y a dans le Coran? Quand est-ce que je vais mettre comprendre ce que veut de moi Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est avec cette façon qu'on arrive à augmenter sa foi avec le Coran. Et c'est cette façon qu'avait Salaf Ridwanullah alayhim face au Coran. Et même certains parmi les nobles compagnons, ils ne dépassaient pas les 10 versets. Ils les mémorisaient, ils les comprenaient et ils mettaient en application ce que ça implique. Et Hadou, c'est le somme, la cime de la croyance, c'est ces nobles compagnons d'Allah. Ils agissaient ainsi. Et ceux qui ont appris le Coran avec les nobles compagnons ont dit que ceux qui nous ont appris le Coran, parmi la génération des Al-Tabi'in, ils disaient ça, ceux qui nous apprenaient le Coran, nous apprenions en même temps, nous ne faisions pas dépasser 10 versets, et on apprenait le Coran, la foi et la mise en application avec. Ceux qui nous apprenaient le Coran disaient qu'on apprenait, on ne dépassait pas 10 versets avant de les avoir compris et de les avoir mis en application. Ainsi nous avons appris le Coran, l'iman et les œuvres. Ainsi ils étaient avec le Coran. Et qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde, nous savons nous ont facilité la tâche pour la compréhension du Coran. Cet héritage qu'ils nous ont légué dans le domaine de l'explication du Coran. Et entre nous, l'une des explications les plus faciles qui est à la portée de tout un chacun, qui est le niveau de l'ajromia. Peut le lire d'une façon, hein, il est simple dans son style, dans ses expressions et dans la composition de ce texte qui est tafsir de Sa'di rahimahullah. Hein? Un minimum de connaissance de la langue arabe, on arrive à voir, à comprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Faut-il encore se donner ce moyen et s'atteler à apprendre la langue arabe et ne pas perdre son temps? Ce n'est pas normal qu'un jeune qui s'attache à la sunna, ça fait 5 ans qu'il se cramponne dans la droiture et que ça fait 5 ans qu'il n'a pas maîtrisé la langue arabe. Il y a un problème, il y a un hic quelque part, il y a une perte de temps quelque part. Il y a une insouciance du temps. Hein? Et quand on veut arriver quelque chose pour notre mandat, on fait tout et on y arrive. Qu'est-ce qu'il en est de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la comprendre? Parce qu'il est descendu pour qu'il soit compris. Ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour ce faire, obligé d'avoir l'outil principal et le moyen principal par lequel on arrive à comprendre la parole des hommes de science, qui est la langue arabe. Et donc, hein? Et au niveau des exégètes du Coran, des exégètes du Coran qui sont faciles, il y a aussi Tafsir al-Muyassar. Celui, c'est une compilation qu'on fait certains hommes de science sur le patronage du Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Et donc, mais pour celui-là aussi, il a besoin de l'arabe. Et comme il est obligatoire de comprendre le Coran, donc le moyen et avec lequel on arrive à la compréhension du Coran est obligatoire aussi. La règle, c'est les hommes de science, c'est les clercs, comme il a dit Shafi'i rahimahullah. Ma la yaqoum al-wajib illa bihi fa huwa wajib. La chose avec laquelle on obtient et on arrive à une obligation devient elle-même une obligation. Donc, il faut savoir que si on ne s'attelle pas à ça et on n'apprend pas la langue du Coran et de la Sunna, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici qu'on est en train, on est dans une lacune laquelle il faut remédier. Parce que la parole d'Allah, il est descendu pour cela. Et la parole d'Allah, quand tu la comprends, il augmente ta foi. Et c'est un des moyens avec lequel tu arrives à augmenter ta foi en mettant en application, en la comprenant, et en mettant en application ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala, car la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Hein, dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative du sens du verset, il est dit, et quand une sourate est descendue, il y a certains parmi eux qui disent, à qui cette sourate a augmenté la foi. Quant aux croyants, certes, il fait augmenter leur foi, ils s'en réjouissent. Et c'est comme ça que ça doit être la situation des croyants quand ils lisent le Coran avec méditation. Regarde les bienfaits du Coran, hein, que nous a, qui sont cités dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Pour avoir la valeur d'une chose, il faut s'atteler à lire les hadiths des mérites des œuvres. Lis, ouvre le chapitre de Fada'il al-Qur'an, dans Riyad Salihin ou dans autres, les mérites du Coran, dans Riyad Salihin ou dans d'autres livres, et tu verras. الرسول صلى الله عليه وسلم أدي إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ها؟ il est rapporté par Darimi et c'est un hadith qui est authentique par l'imam Muslim et d'autres. Allah élève avec ce Coran des gens, il rabaisse d'autres avec. Il élève dans les honneurs et dans les degrés certains et d'autres il les met au plus bas. Regarde, un jour, l'émir des croyants Omar ibn al-Khattab avait un gouverneur, comme si tu dis un préfet, qui était son représentant sur la ville de la Mecque. Et il raconte ce préfet dans une des ruelles de Médine. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et qui t'a remplacé sur, hein, les gens de la Mecque? Qui t'a laissé comme remplaçant? Il lui a dit, j'ai laissé comme remplaçant Ibn Abi Habza. Il dit, c'est qui ce Ibn Abi Habza? Il lui a dit, un de nos esclaves. Il dit, comment tu laisses un de tes esclaves gouverner les gens de la Mecque? Quraysh, dont les Arabes, c'est, hein, c'est une noblesse. Tu laisses un esclave gouverner les Quraychites? Le gouverneur dit à Omar ibn al-Khattab, ce maoula, ce Ibn Abi Habza, connaît le Coran et connaît la science de l'héritage. Le connaisseur du Coran à cette époque, c'est-à-dire l'homme de science qui comprend le Coran, haoula al-Qurra, dans la langue des anciens, hein, ce sont des hommes de science qui comprennent la parole d'Allah. Et il connaît la science de l'héritage. Omar ibn al-Khattab s'est arrêté là. Il lui a dit, j'ai entendu votre prophète dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève avec ce Coran des gens et rabaisse d'autres. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran, hujjatul lak ou alayk, rapporté par Muslim. Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Quand est-ce qu'il va être une preuve pour toi? Quand tu lui mets en application, ça augmente ta foi. Parce que tu mets en application. Maintenant, si tu passes sur le Coran, il y a le verset de préserver ton regard sur le haram. Et tu ne préserves pas ton regard. Tu lis ce verset, tu le comprends. Tu ne le mets pas en application. Que ce soit avec ton téléphone, ou que ce soit dans la rue, ou que ce soit sur la télé ou autre. Autant on est de ce verset que tu ne mets pas en application. Tu passes sur le verset dans lequel est interdit la musique. Tu l'écoutes. Autant on est. Le Coran, dans ces cas-là, ces versets sont une preuve pour toi. Tu passes sur les versets qui interdisent les usures et riba, qui interdisent zina, et ainsi de suite. Et tu le commets, ou tu en es. Dans ces cas-là, le Coran n'est plus une preuve pour toi, il est contre toi. Hein? Et c'est en mettant en application le Coran, et c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, que la foi augmente. Hein? Et regarde le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Rien à savoir, c'est juste la mémorisation là. La compréhension, la mise en application, les œuvres qu'il faut mettre en application et ainsi de suite. Tu vois, les meilleurs dont des humains qui marchent sur terre, ce sont ceux qui ont le Coran et qui l'enseignent et qui éduquent les gens avec le Coran. Il a cette djellaba qui est déchirée, rapiécée. Hein? La maison, elle est tout est par terre, la terre, etc. Mal vêtu, si tu le vois dans la rue, tu veux lui donner la charité, il est le meilleur. Il fait partie des meilleurs, de ceux qui foulent la terre. Parce qu'il a le Coran, parce qu'il le met en application, et parce qu'il l'enseigne. Hein? Et ça, c'est... Qui lui a donné cette situation? Le messager, alayhi salatu wassalam, qui ne parle pas de ses propres passions. Regarde, à côté de quoi on passe quand on ne comprend pas la parole d'Allah, quand on ne la met pas en application, et ainsi de suite. Hein? Imagine maintenant, juste tu prends une personne, tu lui apprends le Fatiha, sa signification, et la mise en application de ce qu'il y a dans le Fatiha. Alors que le Fatiha englobe tous les sens du Coran sont dans le Fatiha. Et toute sa vie, il prie avec, il met en application le monothéisme qui est enseigné dans le Fatiha, le suivi des messagers qui est enseigné dans le Fatiha, et la croyance en l'au-delà, et en tous les suites de l'au-delà, qui est citée dans le Fatiha et ses suites. Hein? Toute sa vie. Imagine maintenant si tu apprends à quelqu'un le Coran en entier, et il fait partie de ceux qui mettent en application. Dans quel bien tu vas être? Quel bien tu vas, hein, quelle récompense tu auras chez Allah, Azza wa Jal, Ça, c'est le bénéfice. Hein? Médite. Le fait de mettre en application. Écoute cela. Abdullah ibn Mas'ud a dit, quand vous entendez, « Ya ayyuhalladina amanu, soyez attentifs. » Ouvrez bien vos oreilles. Et soyez attentifs, car c'est soit un bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous annonce, soit c'est un mal que Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit. Hein? D'où l'obligation de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de bien la comprendre. Médite cette histoire. Ce n'est pas une histoire de l'époque des compagnons d'Allah alayhi. Une histoire de notre époque. Qui a à peu près entre 20 et 30 ans. Un prof de l'université de Médine. Avant d'être prof à l'université de Médine, il était prof pour le primaire au niveau du CM2. Et un matin, un garçon, CM2, c'est l'âge de 11 ans, 12 ans, arrive avec une pile de, une rame de papier. Il arrive vers le bureau de son prof. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit l'explication du Coran. Il lui a dit, mais c'est pas de ton âge de t'occuper d'écrire une explication du Coran. Le gamin lui a dit, moi je ne me suis pas occupé d'expliquer le Coran. Tout simplement, j'ai entendu quand Abdullah ibn Mas'ud a dit, quand vous entendez, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, soyez attentifs, parce que c'est soit un ordre que vous recevez d'Allah Azza wa Jal, soit c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit. Donc je me suis penché sur le Coran, j'ai extrait du Coran tous les versets dans lesquels Ya ayyuhalladhina amanu. Imaginez, ils sont au nombre de 99. Il les a écrits à la main. Et après, je me suis penché sur l'explication de Saadi et j'ai sorti toutes les explications concernant Ya ayyuhalladhina amanu que j'ai trouvées dans le Coran. Et après, je me suis penché sur l'explication de Ibn Kathir et j'ai écrit tout. Je veux maintenant que tu me le corriges. Où sont nos enfants de cela? Où sont-ils? C'est sur les bancs de la laïcité qu'ils vont devenir comme ça. Où sommes-nous? Où sommes nos enfants? Par rapport, et ça c'est quelque chose, quelqu'un de vivant, de nos jours. Hein? Nous devons voir où sommes-nous par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport à leur religion, par rapport à la connaissance d'Allah, à la connaissance de son messager, à la connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Hein? Qatada disait, rahimahullah ta'ala, toute personne qui se penche sur le Coran sortira avec une diminution ou une augmentation. Toute personne qui se penche sur le Coran et qui lit le Coran, soit il va sortir avec une diminution, soit il va sortir avec une augmentation. Quand est-ce qu'il va sortir avec une augmentation? Quand il le comprend, il le met en application. Quand est-ce qu'il va sortir avec la diminution de sa voix? Bah, quand il passe à côté, il ne met pas en application. Hein? Et qu'il ne comprend pas. Donc, obligé qu'on voit où sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre foi puisse augmenter. Hein? Et où sommes-nous dans la lecture du Coran déjà? Et les hommes de science ont catalogué de trois sortes la forme de délaisser le Coran. Hajran le Coran, il est de trois formes dans la parole des hommes de science. La première, délaisser sa lecture. Délaisser la lecture du Coran. Certains, un mois passe sans lire le Coran. Ils n'ont pas le mushaf pendant un mois. Ça fait rien. Hein? Ça lui fait rien. Et ceci est très dangereux. Alors que certains de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, une journée passe sans qu'ils lisent le Coran, ils se lamentent, ils pleurent, ils regrettent qu'une journée passée, il n'a pas lu le Coran. Hein? Alors que certains de nos contemporains passent à côté du Coran, ne l'ouvrent pas, ne le lisent pas, n'essayent pas de le comprendre. Certains ne le lisent qu'une fois dans l'année, le mois de Ramadan, à terminer le mois de Ramadan, ils le ferment, ils le mettent dans un beau coffret et ils le mettent dans l'étagère. Hein? Et ça, c'est le délaissement de la lecture du Coran. Regarde, si on est attaché au téléphone, et qu'on aurait des fois qu'on reçoit sur le téléphone, hein, si on s'attache au Coran, comme on est attaché au téléphone, comment on va être? Où est-ce qu'on va être? Regarde le temps qu'on passe, que beaucoup passent avec le téléphone, et le temps qu'ils passent avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Hein? Donc tu vois, le temps pour le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais pour la parole d'Allah, le livre d'Allah Azza wa Jal, où sommes-nous? Hein? La deuxième catégorie de délaissement du Coran, c'est le fait de ne pas comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et de ne pas chercher à la comprendre. Hein? Dans ces cas-là, comme dans le verset, les cœurs sont cadenassés. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. S'ils ne comprennent pas, c'est que les cœurs sont cadenassés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La troisième sorte de délaissement du Coran, c'est le fait de ne pas le mettre en application. Et c'est la situation la plus dangereuse. Hein? De ne pas mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Coran. De ne pas s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran. Donc, fait partie des choses qui augmentent la foi, s'occuper du Coran. Sa lecture. Perfectionner sa lecture. Le comprendre. Et surtout le mettre en application. Parmi les choses aussi qui augmentent la foi et les moyens pour augmenter sa foi, le fait de méditer les mérites de l'islam, cette noble religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses soumis, cette religion complète et pleine de mérites, plein de bienfaits pour ce bas monde et dans le delà, que ce soit au niveau des croyances, au niveau de l'adoration, au niveau des rapports avec autrui, au niveau des transactions et ainsi de suite. Regarde le monde comment il est maintenant avec un petit soldat d'Allah Azza wa Jal qui ne se voit même pas à l'œil nu. Comment le monde est perturbé par quelque chose qui ne se voit même pas. Il médite les enseignements de l'islam qu'il y a dans la sunna du messager alayhi salam. Face à ça, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as ensonné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Tu as ensonné que chaque matin tu dises trois fois le matin et trois fois le soir, Bismillah illadhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-'alim. Hein? Au nom d'Allah, face au nom duquel rien ne peut nuire sur terre ni dans les cieux. Et il est celui qui entend tout et qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça, c'est les orientaux. Il n'a rien, cette religion n'a rien laissé à qui que ce soit. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ها لا كاتاستروف تشيب ها ne te touchera pas sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. Louange à Allah qui m'a préservé de l'épreuve qu'il te fait subir et qui m'a privilégié à beaucoup de par rapport à beaucoup de ces créatures. Hein? Et l'autre dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junoun wal-judam wa sayyi al-asqam. Hein? Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi de la dépigmentation, de la folie et de la lèpre et de toutes les mauvaises maladies. Tout ceci, c'est ce qui t'a ensonné. Rasoul, au lieu d'aller disserter sur le virus ou quoi que ce soit, tu dois te conformer à ce que t'as enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de t'encombrer de ce qui se dit sur le virus, ceci ne te rend qu'au plus angoissé. Alors que ton devoir, ta religion t'a orienté vers la position adéquate à avoir, tu cherches la protection d'Allah. Et s'il y a des précautions matérielles, tu les utilises. Mais le principal, c'est que tu t'orientes vers Allah et que tu saches que la chose qui doit t'atteindre, il t'atteindra que tu sois où que tu veux. Et que la chose qui ne doit pas t'atteindre, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas prévu, il t'atteindra pas. Tout ne vient que par Allah, Azza wa Jal. Le bien et le mal que nous subissons, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et il faut aussi prendre la leçon que ça, c'est une leçon que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour revenir à notre religion, pour se réveiller. Non pas pour déserter, ils nous mentent, ils disent cela, ils sont en contradiction, et batati, batata. C'est quoi cette dissertation? Cette dissertation ne s'y est pas au soumis à Allah Azza wa Jal. Ta croyance ne te permet pas de parler comme ça et d'avoir des diarrhées mentales comme ça et de dire n'importe quoi. Le messager alayhi salatu salam a enseigné à la communauté concernant les virus, les pestes, les grosses maladies, etc., contagieuses. Quand ils y sont, ils sortent pas, ils restent. Et quand ils sont en dehors, ils y rentrent pas, ils rentrent pas à l'endroit. Khlas. Tu y es, tu restes. Comme ça, tu contamines pas les autres. Tu n'es pas dans un endroit où il y a, va pas dans l'endroit où il y a. Tu jettes pas dans la gueule du loup. Ce sont les enseignements de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous avons besoin de personnes au niveau de notre religion, comment se comporter dans n'importe quelle situation, face aux catastrophes ou là face au bonheur, dans toutes les situations, l'éducation et ainsi de suite. Il nous incombe tout simplement à revenir à la religion d'Allah, à mettre en application le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédicateur d'Allah alayhi. Regarde, Omar ibn Khattab, une année, partait avec une armée pour Sham, le nord de l'Arabie, tout ce qui est la Palestine, la Jordanie, et ainsi de suite, le Liban. Milieu de chemin, il entend qu'il y a la peste là-bas. Au campement, il réunit les compagnons et la génération qui les a suivis, qui sont dans son armée. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît quelque chose sur la peste ou a entendu le prophète alayhi salatu salam dire quelque chose sur la peste? Personne n'a. Rien. Et chacun commence à donner son avis, on n'y va pas, etc. Abdelrahman ibn Aouf arrive. Il dit, ô prince des croyants, j'ai entendu le prophète alayhi salatu salam dire, quand vous entendez parler de la peste quelque part, n'y rentrez pas. Et quand vous y êtes, n'y sortez pas. Qu'est-ce qu'il a su faire à Omar ibn Khattab? Demi-tour. Khalas. L'affaire, elle est réglée. Il a fait demi-tour avec son armée. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous avons à réfléchir. C'est une leçon que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour revenir vers notre religion. Non pas que ce soit une pièce de théâtre pour nous et un spectacle. Abedem. Il faut que ça soit une leçon pour nous, pour voir où sommes-nous vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis de la sunna de notre prophète, alayhi salam, vis-à-vis du livre d'Allah, vis-à-vis de l'éducation de nos enfants et ainsi de suite. الحمد لله على منه وفضله وإحسانه. Louange à Allah pour nous avoir comblés de cette religion qui est complétée et qui est parachevée. C'est pour ça que nous devons lire les bienfaits de cette religion. Hein, et se penser sur les livres qui sont écrits à ce niveau-là. Comme le livre de Sa'di Rahimahullah, Al-Islam al-Sahih, Hill al-Mashakil. L'islam authentique règle les problèmes. Un orientaliste, les orientalistes, on sait que ce sont les ennemis de cette religion. Il dit un jour, si Muhammad alayhi salatu salam était vivant, il réglerait le problème du monde autour d'une tasse de café. Là, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, il dit ça. Hein? وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc, la traduction approximative du sens du verset, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée la soumission à l'islam en tant que religion. Donc, cette religion qui est parachevée, c'est elle qui ramène les bienfaits et les grâces d'Allah. Nous devons s'y attacher comme s'y sont attachés les nobles compagnons d'Allah alayhim. Regarde, Imam al-Bukhari, par la noble et la minutieuse compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, il ouvre le livre de l'I'tisam dans son authentique. Premier chapitre, il le commence comme ça, avec ce verset, Al-Yawma akmaltu, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Il cite une histoire, dit qu'un juif est venu voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Ce juif a dit, ô prince des croyants, un verset a été descendu sur vous, si ce verset était descendu sur nous, le jour où il serait descendu serait un jour de fête pour nous. Omar ibn al-Khattab l'a regardé, il a dit, ramène le verset. Il lui a récité le verset, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Omar ibn al-Khattab lui dit, je sais quand ce verset est descendu. Où il est descendu? Il est descendu le vendredi, un jour de Arafat. Et sur le mont Arafat, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a... Hein? Et Omar ibn al-Khattab n'a pas créé de fête pour cela. Ah ben, il n'a pas innové dans la religion d'Allah, azza wa jal. Hein? Il a tout simplement... Hein? Il lui a dit, je sais. Hein? Je sais tout simplement... Et cette religion qui est parachevée à l'islam, hein, et qui est parachevée min Allah Azza wa Jal, cette religion nous a enseigné le comportement pour faire nos besoins. Hein? Comment faire nos besoins? Comment se purifier après les besoins? Écoute, Salman al-Farisi radiallahu anhu arda, un juif vient le voir. Il lui dit, votre messager vous a appris comment faire vos besoins. Il l'a dit d'un air moqueur. Salman l'a regardé avec fierté. Certes, il nous a dit quand vous allez éruiner ou faire vos grands besoins, vous ne faites pas face à la Qibla, ni vous lui donnez le dos. Hein? Mais il l'a dit avec la tête haute. Fier des enseignements de sa religion. Hein? Et il nous a interdit de s'essuyer avec les excréments d'animaux et avec leurs os. Leurs os sont la nourriture de qui? Des jeunes. Hein? Regarde cette religion, de quoi il s'est occupé. Il n'a rien omis. Et radiyallahu anhu arda, Salman a énuméré les bienfaits de l'islam. Hein? Nous, nos contemporains maintenant, hein, lui posent la question, est-ce que sur le hijab, ah, je crois pas, je sais pas, c'est une mauvaise compréhension du texte, et batati, batata, il commence à avoir une diarrhée mentale, tout simplement parce que il a le complexe d'infériorité devant l'Occident. Hein? Il commence à débiter n'importe quoi sur la religion d'Allah. Et sur la sunna d'Allah, et sur le livre d'Allah. Hada, tu veux qu'il t'amène vers la gloire? Abadan. Abadan. Rabbuna yaqul, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le modèle, Allah te l'a dit, c'est quoi le mieux? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, ou est-ce que nous on choisit pour nous? Réfléchissons. Le choix d'Allah, il nous a choisi le modèle, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a fait qu'il est obligatoire de le suivre. Il dit dans la traduction du verset cité ici, vous avez le meilleur des modèles dans le messager d'Allah. Pour ceux qui espèrent les récompenses d'Allah et la rencontre d'Allah et qui espèrent l'au-delà et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, leur modèle c'est qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils vont pas chercher leur modèle dans les politiciens ou dans les philosophes ou dans hein. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dites si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah, il vous aimera. Tu cherches que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Si Allah il t'aime, t'as acquis le bonheur du deux mondes. Mais ceci passe par le chemin du messager alayhi salatu wassalam. Et l'amour du messager alayhi salatu wassalam, c'est pas des paroles. C'est le fait de le suivre. Fattabi'uni, suivez-moi. Pas de chanter Ya Rasul Allah, uhibbuk, ya. Abadan. Abadan. Le suivi du messager alayhi salatu wassalam, c'est quoi? Nuhibbu Rasul Allah. Lakin, ce que nous disons avec notre langue doit être noué dans nos cœurs et doit être certifié par nos actes. Il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. J'apprends la prière du prophète alayhi salam. Et j'apprends d'accomplir la prière du prophète alayhi salam comme il l'a fait. Il a dit, Man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Celui qui fait l'eau comme je l'ai fait. Khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites de pèlerinage. C'est ça l'amour du prophète alayhi salam. C'est pas le fait de chanter des poésies, et des fois certains utilisent des poésies dans laquelle il y a l'associationnisme, et dans lequel ils donnent la seigneurie au messager alayhi salatu wassalam, ils laissent rien à Allah azza wa jalla. Ils lui donnent la science de l'au-delà et la science de ce bas monde. Subhanallah. Parmi les choses qui font augmenter aussi la foi, c'est la biographie, lire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais la biographie du prophète alayhi salatu wassalam ne se lit pas qu'on n'importe quelle biographie. Abadan. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une mise en application de cette religion. Donc il doit se lire avec une façon de méditer, de chercher les leçons, de mettre en application. Une façon objective. On ne doit pas être comme certains qui ne connaissent la biographie du prophète alayhi salatu wassalam que le jour où ils disent c'est le mouloud. Et à ce moment-là, ils vont lire le Bukhari du début jusqu'à la fin. Ils vont passer la nuit et le soir à réciter des chants sur les éloges du messager alayhi salatu wassalam. C'est pas ça. La abadan, tu lis la biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre comment il était avec ses femmes, comment il était avec les enfants, comment il était dans sa prière, comment il était dans la bataille, comment il était avec les personnes âgées, comment il était avec les animaux, comment, etc. Tu prends la leçon pour le suivre. Sa biographie, c'est pas il était une fois. Sa biographie, c'est que tu mets en application. Si c'est sa sunna qu'il faut mettre en application dans sa vie, depuis que tu ouvres les yeux, il t'a enseigné quelque chose à dire en ouvrant tes yeux. Pour rentrer aux toilettes, il t'a enseigné quelque chose à dire. Pour sortir des toilettes, pour avoir un rapport avec ta femme, pour te marier, pour manger, pour. Ça, c'est la réelle lecture de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Obligatoire que sa biographie soit une réalité dans ta vie, dans ton comportement. Hein? Et tu dois, regarde ces nobles compagnons d'Allah alayhim, que Allah subhanahu wa ta'ala fait que, hein, qu'on doit suivre leur chemin. Comment ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam? Comment ils le suivaient? Comment ils s'arrêtaient là où la sunna les arrête? Radwanullah alayhim. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. La réalité de l'amour du prophète alayhi salam, c'est de mettre en application sa sunna et de suivre sa voie. Médite cette parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, rapportée par l'imam Bukhari. Il a dit un jour à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, la anta ya Rasul Allah, ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la ya Omar. Il médite cette parole d'Omar ibn Khattab rapportée par l'imam Bukhari. Un jour, Omar ibn Khattab dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ô messager, tu es la personne que j'aime le plus après l'amour de ma personne. C'est-à-dire, viens en deuxième, ton amour, mon amour pour toi, viens en deuxième position après l'amour de ma personne. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit, non Omar. Jusqu'à ce que je sois ce que tu aimes le, que tu m'aimes plus que toi-même. Omar n'a pas hésité un instant. Il a dit, maintenant, ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Hein? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi, min walidihi, wa waladihi, wa nasi ajma'in. Hein? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous ne croira que lorsque il m'aime plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que tous les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en application sa sunna avant les désirs de tes enfants, avant les désirs de ta femme, avant tes désirs toi-même. C'est sa sunna qui doit primer dans ta vie, qui doit avoir le dessus dans ta vie. Hein? Normal que tu aimes tes enfants, mais leur amour doit venir après la sunna de ton messager, alayhi salatu wassalam, et après les droits d'Allah. Hein? Si tu veux avoir le succès dans ce bas monde et dans le-delà, il faut que tu les éduques sur cela, qu'ils doivent mettre en avant, hein, les ordres d'Allah et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala doit passer avant tout et le suivi du messager alayhi salatu wassalam. S'ils ne l'apprennent pas de toi, de qui ils vont l'apprendre? Les enfants, leur premier modèle, ce sont les parents. Mais si maintenant les parents donnent le dos à la sunna, hein, ils ne la mettent pas en application, ils la connaissent, ils la mettent. Comment veux-tu que ce garçon ou cette fille puisse la mettre en application? Alors que son modèle premier, devant lui, il ne le fait pas. Hein? Et après, quand ils arrivent à un certain âge, on commence à se poser des questions. Les enfants, ils ne suivent pas, les enfants, il ne faut pas. Et où tu étais avant. Qu'est-ce que tu as fait devant lui? Est-ce que tu te conformais à ce que tu lui ordonnais? Hein? Tu l'orientais vers cette voie? Est-ce que toi, tu es son modèle? Hein? Nous devons faire très attention à cela. Et parmi les moyens, aussi, pour augmenter sa foi, l'étude de la biographie du noble compagnon, radhiyallahu anhu. Car l'étude de leur vie est une mise en application de l'islam. Comme la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Leur vie est calquée sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils étaient sur la même voie que lui. Hein? Car leur vie est une noble biographie. Ridwanullah alayhim. Ils ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ce grand bienfait. Il les a choisis pour être les compagnons de son prophète alayhi salatu wassalam, et pour accomplir cette religion, il a propagé après lui Ridwanullah alayhim. Ils l'ont vu prier. Ils l'ont vu marier les gens. Ils l'ont vu comment il faisait le dos, comment il était en voyage, comment il était avec les enfants et avec les personnes âgées et ainsi de suite. Ils ont tout vu. Ils l'ont vu comment il accomplissait les actes de bienfaisance. Et ils ont fait comme lui. Ils ont transmis à la lettre ce qu'ils ont voulu lui dire. Ils ont eu et obtenu un bien que personne ne peut avoir. Et ce sont les meilleurs de la génération humaine qui a foulé la terre après les prophètes alayhi salatu wassalam. Et les ventes des femmes sont devenues stériles pour donner des hommes comme Omar, comme Abu Bakr, comme Abu Huraira, comme Abdullah ibn Abbas, comme Hafsa, comme Aisha, et ainsi de suite. Mais il nous est demandé de les imiter. Et pour les imiter, il faut connaître leur vie. Voir comment ils étaient. Hein, à tous les niveaux. Et cette place qu'ils ont eue, regarde ce qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam concernant leur place. « Law anfaqa ahadukum mitla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu » Si quelqu'un parmi vous venait à dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne serait pas arrivé à la poignée de charité qu'avait fait un compagnon ou à la moitié de la poignée. Hein? Ils ont tout dépensé pour cette religion. Ils ont tout sacrifié. Ils ont leur laissé leur ville, leurs biens, et des fois même leurs enfants, parce qu'ils ne l'ont pas suivi dans l'islam, ils les ont laissés, ils ont quitté, ils ont fait leur hijra pour Allah, pour faire triompher la religion d'Allah. Hein? Et peu importe ce que ça leur a coûté. Hein? Et regarde-nous maintenant, où sommes-nous de cette hijra pour sauver notre religion, pour sauver notre descendance, pour accomplir notre devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Où sommes-nous? Hein? On vit au milieu de la mécréance. Partout où tu tournes la tête, tu entends les cloches. Partout où tu tournes la tête, tu vois des croix. Hein? Et on cesse de massacrer l'islam, de le dénigrer, de dénigrer les principes de l'islam, et nous on est là. Comme c'est rien, comme si ça ne nous concerne pas. Hein? Nous devons réfléchir. Ce bas monde, il est éphémère, il va partir. Et nous devons savoir délaisser les bienfaits de ce bas monde pour Allah, Azzawajal, et Allah, où que tu sois, ta subsistance, il arrive. Hein? Et si tu délaisses un bien pour Allah, Allah, il te le remplace au mieux. Et on est dans sa monde pour être éprouvé. Surtout dans sa maïjra, que tu sois touché par la pauvreté. Où est le problème? Hein? Les compagnons ont été touchés par cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a été touché par la faim aussi. Hein? Et les compagnons et leurs successeurs préféraient être touchés dans leur mandat que dans leur religion. Et qu'on compare. Hein? La contradiction qu'il peut y avoir entre nous et eux. Hein? Regarde ce qu'a subi l'imam Ahmed rahimahullah. Comment les khalifs de Banu al-Abbas l'ont maltraité. Il s'est exilé dans un pays, dans un autre pays. Là, il est resté là-bas. Il est resté. Il lui a interdit. Il lui a interdit aussi, après que la mihna est terminée, il lui a interdit d'enseigner. Il est resté. Il s'est pas exilé ailleurs. Hein? Nous devons réfléchir. Et cette catastrophe que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée doit nous faire réfléchir et réagir. Et voir où sommes-nous dans notre soumission à Allah azza wa jal. Et où sommes-nous de ce que veut de nous Allah azza wa jal. Qu'est-ce que nous voulons de notre descendance? Hein? Qu'est-ce que nous voulons de notre descendance? Les générations que nous allons laisser derrière nous, ils seront quoi? Parce qu'on sera questionné. Obligé à l'islam. Obligé qu'on regarde. Hein? Ce bas monde, il passe. Combien de gens sont passés? Combien de milliardaires sont sur la terre? Hein? Qu'est-ce que ça leur sert, leurs milliards? Ils sont, hein, entourés de leurs œuvres, s'ils sont bonnes ou mauvaises. Sont celles, avec quelle provision tu vas rentrer dans la tombe? Est-ce que tu t'es acquitté de tes responsabilités ou pas? Hein? Et regarde, ridwanullah alayhim, le désir qu'ils avaient, le désir ardent pour apprendre leur religion. Hein? Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes. Quand tu regardes les questions qu'ils posaient, qu'ils n'arrêtaient pas de poser au prophète alayhi sallam pour apprendre leur religion, ridwanullah alayhim. Et médite, Omar ibn Khattab, il avait un voisin. Ils se relayaient tous les deux. Un jour, Omar ibn Khattab, il allait à son travail. Et son voisin va à côté du prophète alayhi salatu wasalam, il reste la journée pour apprendre des hadiths et pour apprendre les enseignements du prophète alayhi salatu wasalam. Le soir, en rencontrant Omar ibn Khattab, il lui dit tout ce qu'il a appris. Le lendemain matin, c'est Omar ibn Khattab qui va rester avec le prophète. Et le soir, son voisin arrivera et Omar ibn Khattab lui dira tout ce qu'il a appris du prophète alayhi salatu wasalam. Et ils avaient les deux choses à la fois. Hein? Nous devons voir où sommes-nous par rapport à l'apprentissage de notre religion. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le hadith du prophète alayhi salatu wasalam que nous faisons à la fin de chaque prière obligatoire du Fajr. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Et il a commencé avec la science bénéfique. De ce hadith, les hommes de science disent qu'il est obligatoire pour tout musulman d'avoir chaque jour un apprentissage de sa religion. Où sommes-nous de ça? Et nos enfants, ils sont où par rapport à tout ça? Nos femmes aussi? Et ainsi de suite. Ah, la situation est dangereuse. Très dangereuse. Hein? Et ces nobles compagnons, il faut les aimer. Il faut regarder leur biographie. Car les aimer fait partie de la foi. Détester ces nobles compagnons d'Allah alayhim fait partie de l'hypocrisie et de la mécréance, comme il a dit Tahawi rahmatullah alayh dans l'aqidah Tahawiya. Hein? Comment quelqu'un qui est doué de raison arrive à détester Abu Bakr et Omar ou les autres compagnons? Celui-là, ça c'est un signe comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné cette personne à Shaitan. Il a laissé libre à lui-même et à ses passions et à son nefs. On a annoncé à Aïcha radiallahu anha wa ardaha que des gens insultent les compagnons. Il a dit radiallahu anha wa ardaha, subhanallah, il leur a été ordonné de leur faire dua et d'implorer Allah pour eux, et il les insulte. Il a cité le verset. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Il a cité ce verset dans la traduction approximative du sens du verset. Ceux qui sont venus après eux, d'après les nobles compagnons, disent: ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la croyance, et ne met dans nos cœurs aucune rancune pour eux. aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc la lecture de la biographie de ces nobles compagnons, radhiyallahu anhum, ainsi que de leurs successeurs parmi tabi'in et les hommes de science de cette communauté, les grands imams de cette communauté, c'est un des moyens avec lesquels on augmente sa foi. Parce que quand on regarde ce qu'ils ont donné pour l'islam, comment ils se sacrifient, tout ce qu'on aura fait, hein, pour ne pas être un but de soi, qu'on regarde ce qu'ils ont donné, ils sacrifient ce qu'ils ont fait pour cette religion, pour se rendre compte, hein, qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup pour cette religion, hein, et qui ont tout sacrifié pour préserver leur religion, hein. Regarde comment, au détriment de sa vie, Imam Ahmed, et ce qu'il subit, celui qui donnait le coup de foufou à l'imam Ahmed, il lui dit, si j'avais donné, hein, l'équivalent du coup de fouet que je t'ai donné à un chameau, il serait mort. Il serait mort. Hein? Ça veut dire que c'était, il était gravement maltraité, radiyallahu anhu wa arda. Et il a tenu pour que cette aqida reste authentique et reste la aqida sur laquelle était le messager alayhi salatu wasalam et ce noble compagnon qui est le fait de croire que le Coran n'est pas une créature. Le Coran, c'est la parole d'Allah azza wa jal. Hein? Et donc, et parmi les choses qui augmentent la foi aussi, le fait de méditer l'univers, les cieux et la terre, la création du Seigneur subhanahu wa ta'ala, les oscillons, les arbres, ces créatures. Les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une page qui parle et qui témoigne de la majesté et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, nous sommes voilés. C'est haute mentale qu'on voit tout. C'est de la routine. Hein? Quand on se lève dans ce village olympique, on regarde quelque chose de banal. Hein? On n'y voit pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a élevés et qui a fait que ces montagnes stabilisent la terre. Hein? Alors que tout cet univers est un témoin qui témoigne de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il a dit dans la traduction approximative du sens du verset, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des jours et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués de raison. Ceux qui sont doués de raison, qui regardent et qui méditent sur la grandeur, ils voient cette grandeur, et tout de suite vient dans leur esprit la grandeur de celui qui l'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Et de là, ça fait naître en eux la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait naître en eux le fait qu'un jour, il va se retrouver devant Allah et doit rendre des comptes. قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Tout ça, ce sont des versets qui nous interpellent pour méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rendre compte de sa grandeur. De sa grandeur, il se rappelait de sa majesté, il se rappelait aussi qu'un jour on va se retrouver devant et que, hein, on va rendre nos comptes. Il dit dans ce dernier verset cité ici, hein, dans la traduction approximative du sens du verset, ne considère-t-il pas les chameaux comment ils ont été créés? Hein? Et le ciel, comment il est élevé. Regarde ce ciel, il est élevé sans pilier, sans rien. Et on connaît l'être humain, hein, ne connaît pas l'immensité de ceux, des cieux et de la terre. Et les montagnes, comment ils sont dressés. Et la terre, comment il est, hein, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nivelé pour l'être humain. Il a stabilisé avec ses montagnes pour que l'être humain puisse y vivre. Hein? Regarde tout ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ces choses qui sont citées, qui font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui médite lui prouve la majesté d'Allah. Et cela, il n'y a aucun doute qu'il augmente la foi. Si la personne médite comme il se doit, juste sa personne, et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné, et cet bel aspect, cette belle image qu'il lui a donné subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons créé l'être humain dans une forme la plus parfaite. Dans la forme la plus parfaite. وقال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. L'autre verset dans la traduction approximative du sens du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Porte les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Regarde ce mécanisme, comment il fonctionne. Prends par exemple juste une personne qui est prouvée par les dialyses. Le rein ne fonctionne plus. T'as vu la machine, comment elle est grande? Pour filtrer, etc. Et regarde, ce bout de chair qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il fait le travail d'une énorme machine, qui doit être surveillée par des hommes, et peut être réglée, etc. Et regarde, et cela te montre que les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala sont faites à la perfection, ils n'ont pas d'égal. Et ceci doit faire naître en nous la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce corps, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. Regarde comment cet organisme fonctionne. L'harmonie qu'il y a entre eux, les membres de cet organisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté. Le fait que les musulmans méditent l'univers des cieux et de la terre et leur création, et leur fonctionnement à la perfection, cela doit augmenter sa foi. Qu'on réfléchisse, pourquoi on regarde ces créatures, le ciel, les chameaux, l'être humain, et cela n'augmente pas notre foi. Alors qu'il est dit dans le verset, « Afala yanzurun » nous interpelle pour méditer. Normalement, la méditation de la création doit faire naître en nous la crainte d'Allah Azza wa Jal. Cette crainte qui est accompagnée d'amour et de vénération, pas une simple crainte, comme la crainte que tu as pour le radar et que tu ralentis là. Une crainte accompagnée d'amour et de vénération. Tu crains Allah parce que tu aimes Allah. Tu aimes Allah, tu le crains et tu reconnais sa majesté et sa grandeur subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il médite la création des cieux et de la terre. Ils dirent, oh Allah, ceci tu ne l'as pas créé en vain comme ça. Préserve-nous du feu de l'enfer. Ils ont médité, ils ont reconnu la grandeur d'Allah. Préserve-nous du feu de l'enfer. Oui, moi, ils méditent cela dans la parole de l'Absari, rahimahullah, al-Hassan al-Absari, qui était un imam à ce niveau. Il dit, nous avons orienté les cœurs vers la méditation. La méditation de quoi? Des cieux et de la terre, etc. Pourquoi? Pour amender les cœurs. La méditation, il dit, rahmatullah alayh, leur a fait hériter le rappel. Le rappel de quoi? Le rappel d'Allah, le rappel des droits d'Allah, le rappel de la mort, le rappel de l'au-delà, le rappel du châtiment de la tombe, etc. Et avec le rappel, nous sommes revenus à la méditation. Une fois que le rappel est instauré dans le cœur, ils sont revenus avec à la méditation. Et il dit, nous avons fait réagir les cœurs avec, et en réalité, il s'avère que les cœurs, en lui, il a vu. Comme il est dit dans le verset, ce n'est pas, c'est les yeux des cœurs dans la poitrine qui sont aveuglés. Et quand le cœur est aveuglé, les yeux du cœur et lui du cœur est aveuglé, khlas, la vérité ne peut pas s'immiscer. Hein? Tu comprends pourquoi quand on regarde ces montagnes, cette créature, rien n'est, on ne réagit pas, il faut qu'on fasse revivre nos cœurs. Il faut qu'on fasse revivre nos cœurs. En étudiant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les comprenant, en les mettant en application, en les méditant, qu'on les ont médités, les nobles compagnons d'Allah alayhim, et qu'on regarde après, hein, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre devoir, il est dans notre devoir de penser souvent à l'au-delà, de penser aux questions de la tombe, à l'enfer, et au jour où nous allons nous retrouver devant Allah azza wa jal. Hein? Nous devons penser où sommes-nous par rapport au droit d'Allah, au droit de son messager, au droit des créatures, au droit de nos femmes, de nos enfants, etc. Hein? Et nous ne devons pas être inattentifs et insouciants. وَكَيْنِ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Nous ne devons pas être comme c'est cité dans le verset. Hein? Combien de signes il y a dans les cieux que les gens passent à côté mais ils s'en détournent. Ça ne leur fait rien. Hein? Ça ne les fait pas réagir. Ça veut dire ici les cœurs qui sont touchés. Et regarde, quand on va enterrer quelqu'un, on revient comment? Il est désolant et regrettable que on va pour enterrer quelqu'un et la personne il est au téléphone. Subhanallah. Hein? Où sommes-nous? Là c'est un moment très difficile. Peut-être que tout de suite après, on sera à la place de celui qu'on va enterrer et qui va se retrouver avec les deux anges qui vont le questionner sur Allah, sur la religion d'Allah, sur le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on arrête là, inshallah, c'est l'heure de l'adhan pour reprendre demain, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.